Oh yeah, yeah, yeah. Sur ce lit, tu me donnes des envies de folie, de te voir si offerte, si jolie. C'est mon âme que tu prends sans délire. Moi